Le 5 juillet, les membres de la délégation de l'Union de la jeunesse communiste Lénine de la Fédération de Russie, en séjour à Pyongyang, ont accordé une interview à l'Agence télégraphique centrale de Corée. Le chef de la délégation, Vladimir Isakov, premier secrétaire du comité central de l'Union de la jeunesse communiste Lénine de la Fédération de Russie, a dit comme ce qui suit. À travers le lancement expérimental de la fusée balistique intercontinentale de type façon 14, le monde a pu connaître mieux la puissance de la Corée capable de déjouer les menées de guerre d'agression des États-Unis. Par la réussite au lancement d'essai de la fusée façon 14, la Corée de Sun Gun a manifesté de nouveau dans le monde entier son potentiel et sa puissance invincible. Artyom Samsonov, membre de la délégation, a souligné que si la Corée a renforcé ses armements nucléaires et détenu la fusée balistique intercontinentale, c'est le droit autodéfensif et légal de l'État souverain. Et Anatoly Dolgachev, membre de la délégation, a dit que le peuple coréen a consolidé fermement sa puissante dissuasion de guerre nucléaire à l'étonnement de tout le monde, malgré les sanctions barbares des forces hostiles.